Le lendemain, à 4 heures du matin, ces matelots de Nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord. La nuit était encore obscure. Là, sous les sombres eaux, s'étendait le banc des Pintadines, inépuisable champ de perles, dont la longueur dépasse 20 000. À 6 heures, le jour se fit subitement. Le canot s'avança vers l'île de Manaar, qui s'arrondissait dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer. Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée. Le fond n'était pas plus d'un mètre. « Nous voici arrivés, » dit alors le capitaine Nemo. « Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres et nous commencerons notre promenade. » « Et nos armes ?» lui demandai-je. « Nos fusils ?»« Des fusils ? À quoi bon ?»« Voici une lame solide. Passez-la à votre ceinture et partons. » Je radai mes compagnons. Ils étaient armés comme nous. Et de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus. Vers 7 heures, nous appartions enfin le banc des Pintadines sur lequel les huttes perlières se reproduisent par millions. Le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de Pintadines et je compris que cette mine était véritablement inépuisable car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme. Ned Land, fidèle à cet instinct, se hâtait d'emplir des plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté. En ce moment, s'ouvrit devant nous une vaste grotte. Le capitaine Nemo y entra, nous après lui. Après avoir descendu une pente assez raide, nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaire. Là, le capitaine Nemo s'arrêta et de la main, il nous indiquait un objet que je n'avais pas encore aperçu. C'était une huître de dimension extraordinaire, un bénitier qui eût contenu un lac d'eau sainte. Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Les deux valves du mollusque étaient entr'ouvertes. Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. J'estimais sa valeur à 10 millions de francs au moins.